s'abonner au locataire tiers. Dans le journal, c'est Perry qu'elle préfère. Et je y a longtemps qu'elle les a bénis. La rubrique potin, c'est bien plus marrant, n'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile, n'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, Cupidon s'endort. Qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Et lui ronronne des temps de je t'aime. N'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile. N'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile. Sa première ride lui fait du souci. La boule de cristal pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même Lois Lane dit qu'il faut faire un effort. N'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile. N'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile. Elle parle beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle a lynché un loup. Elle avoue son rôle, celui de son amant. Et courant le capitaine de temps en temps. N'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile. N'allez pas la lâcher. Elle est si fragile, être une fleur violette. Tu sais, c'est pas si facile, non. Non, n'allez pas la lâcher.